équipe de Haltech. À l'aube de la nouvelle année, toute l'équipe de UAP Napa de Chibougamau profite de l'occasion pour souhaiter une très belle période des fêtes à toute notre distinguée clientèle et vous remercie de leur encouragement pendant l'année qui s'achève et vous demande d'être extrêmement prudent pendant cette période de réjouissance. UAP Napa au 890 3e rue à Chibougamau au numéro de téléphone 418-748-6426. Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et Fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et Fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 boulevard Wahlberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. Ça a fait parler pas mal, c'était la classique hivernale en fin de semaine, mais le propriétaire des sénateurs, Eugene Melnyk, a probablement cassé le party en fin de semaine en disant qu'il ne vendra pas son club, mais qu'il pourrait déménager. Est-ce que c'est une menace? Quoi qu'il en soit, on va parler avec le descripteur des matchs des sénateurs d'Ottawa. On parle à Nicolas Saint-Pierre. Bonjour Nicolas. Salut Danny. Nicolas, il a cassé le party pas mal en fin de semaine, hein? Ouais, ben disons que côté timing, je pense que le moment n'avait pas été mal choisi pour y aller d'une telle déclaration. Puis écoute, là, je pense qu'on ne se leurra pas. C'est une bombe qu'il a lancée, tant qu'à moi. Je pourrais jamais reprocher à M. Melnyk d'avoir sauvé cette franchise-là des bords de la faillite, puis peut-être d'un déménagement. Il y a ça plusieurs années maintenant. Mais au point où on est rendu, cette déclaration-là, puis je doute pas que M. Melnyk vaut quelques milliards du fait que c'est un fin renard, puis il sait manœuvrer dans des situations serrées. Mais je vois mal comment cette déclaration-là ou cette façon de faire pourrait l'aider à rétablir les ponts avec un marché qui semble boudé. Puis avec en plus de ça une CCN qui essaye justement d'avoir un projet rassembleur à Le Breton, puis lui qui s'en vient cracher dans la soupe comme ça. Alors je pense que c'était vraiment très mal manœuvré de ma perception. Moi je me rappelle des expos à l'époque de Claude Brochu. Je sais pas Nicolas quel âge que t'as, là. Claude Brochu disait à l'époque, ben si les gens viennent pas, on n'investira pas. C'est à peu près la même affaire. Et ça, normalement, là, que c'est généralement pas très winner pour une campagne de marketing. Là. Puis les expos, les parties, ça a été le commencement du début de la fin quand on a échangé les bons joueurs, supposément parce que les gens venaient pas, parce qu'on n'avait pas d'argent. C'est pas le même, me semble, que tu rétablis un climat, hein? Ben écoute, je sais pas si on peut faire un lien avec parce qu'on m'a ramené ça, cette comparaison-là avec monsieur Brochu, en tout cas avec les expos. Puis je pense qu'on parle pas du même contexte. Je pense que la situation économique ou la réalité économique du hockey et du hockey à Ottawa est beaucoup différente de celle de l'époque avec les expos. Mais écoute, comment je pourrais dire ça? Je reviens à ce qu'il a dit. Je pense qu'on doit établir un lien entre le peu de gens qui fréquentent l'établissement et aussi le mécontentement qu'on a envers le propriétaire. Puis, je pense qu'on a vu clairement que dans ce classique 100-là en 20 semaines, samedi, qu'il y a effectivement un amour pour le hockey dans ce marché-ci. C'est pas un marché dormant loin de là. Alors, c'est peut-être un lien à faire. On doit, sans dire une conclusion, on doit certainement faire des liens entre ce qui se passe du côté du centre Canadian Tire et le mécontentement envers le propriétaire. Est-ce que le système Phoenix à Ottawa, parce que je sais que ça touche beaucoup, beaucoup les fonctionnaires, le système Phoenix, là, tu sais, les gens qui payent pas le qui n'ont pas le paye depuis plusieurs mois. Écoute, à quelque part, là, Faut comprendre ça aussi à Ottawa. Ça doit nuire terriblement, cette histoire-là. Ouais, écoute, M. Melnyk a plaidé sa cause parce qu'il y a un nouveau règlement qui empêche un club professionnel, ou ben, en tout cas, les sénateurs, donner des billets aux gens qui travaillent dans la fonction publique. Puis ça, c'est une cause qu'on aimerait plaider encore et qu'on aimerait redonner comme permission aux sénateurs qui pourraient aider justement à remplir. Le système Phoenix, oui, on a évoqué ça, mais je peux comprendre qu'on est un marché où il y a beaucoup de fonctionnaires, mais de là à croire que tout repose sur les fonctionnaires, ben je m'excuse, mais là, comme ça, c'est un marché faible. Il y a d'autres choses. Il y a un lien qui n'a pas établi depuis des lustres, depuis les commencements, entre la rive ontarienne et la rive québécoise. Ça, c'est une chose auquel on aurait dû s'attaquer tout de suite en partant, et on n'a pas fait. Alors, il y a des devoirs qui n'ont pas été faits, il y a des choses qui n'ont pas été réalisées. Puis je pense au-delà du système Phoenix, qui certainement, pour une certaine portion de la réponse, est un problème. Mais au-delà de tout ça, il y a d'autres choses plus grandes que ça, là. OK. Est-ce depuis que vous avez un DG francophone, vous avez un entraîneur francophone, est-ce que ça a changé beaucoup? Mais c'est sûr que tu changes pas pendant, tu sais, une culture de bâtir des partisans. Vous avez pas les résultats avant longtemps. C'est des graines qu'on sème. Mais est-ce que depuis que Boucher est là et également le Dorion, est-ce qu'on a senti du côté des sénateurs que c'est plus francophone? Ouais. Je peux comprendre ta question, puis gars, c'est un effort dans la bonne direction, ouais. Mais ça prend plus que ça, puis la confiance, oui, on vous donne un anane. Moi, je te prends un exemple assez concret, puis il n'y a pas meilleur ambassadeur que ça. Vous avez deux gars locaux, deux francophones, deux gars qui ont été élevés à même le hockey mineur, Gatinois, Brassard, puis Pajot. Ben, je pourrais te le dire, là, depuis que je suis à la couverture, puis depuis que ces gars sont là, sur les doigts de la main, puis je pense que j'en aurai assez de trois. Les fois, on les a vus sur le terrain de l'autre bord. Puis il me semble que ça, c'est tellement normal maintenant. Je comprends que ce sont des vedettes. Je comprends que ce sont des professionnels. Mais si vous voulez justement établir des ponts puis tenter de mousser votre produit dans un marché qui n'est pas nécessairement naturel au vôtre, on dit tous que du côté de Gatineau, ben, c'est plus à l'allégeance du Canadien. C'est correct, mais ça fait une génération maintenant que vous êtes dans votre marché puis vous avez même pas été capable d'aller chercher ça. Donc, il y a un problème quelque part. Ouais, c'est et ça, je te dis qu'on comprend, on sait où ce qu'on est, tout ça, mais on dirait qu'il n'y a pas ce déclic qui se fait là. Puis je veux pas parler mal envers l'organisation qui me fait bien vivre, rappelons-le. Mais il y a des choses il y a tellement de choses qui restent à faire et qu'on devrait prendre des initiatives qui n'ont pas été faites. J'espère qu'à un moment donné, on va se réveiller à ce niveau-là. Comme quoi? Ben, comme ça, comme les gars. Sors-moi les gars, soyez plus présents de l'autre bord. Même ici dans le marché, les anglophones, Carlson, je le vois pas, moi, serrer les mains. On y va de cérémonie au thème, puis je comprends qu'il faut aller chercher l'élite et tout ça, puis la fondation, ça prend une cause. Mais j'aimerais ça, moi, les voir dans la rue, dans un marché public, dans un centre d'achat, dire des beaux bonjours à monsieur, madame, tout le monde, qui sont quand même la plus grande base de vos partisans. Ouais. Il n'y a pas ce lien automatique qui se fait, tu sais, l'amour pour les kids. Moi, j'aimerais ça voir un kid sur le marché quelque part, rencontrer un joueur pendant une activité promotionnelle, quand même, c'est rien une heure, puis dire, hey, wow, les yeux écarquillés, ben, arrête, puis il va. Et monsieur, à Montréal, Nicolas, tant que ça, à Montréal, ça fait pas la même affaire. C'est la même affaire. Les journalistes ont de la misère à parler aux joueurs. Tant qu'à ça. Ah, mais c'est parce que ça, regarde, c'est parce que justement, ça, c'est l'effet opposé. À Montréal, c'est parce qu'on s'assoit justement sur la tradition, puis les générations, puis eux autres, là, ils ont plus d'efforts à faire. C'est ça, on s'assoit sur nos lauriers, puis la job est faite, ça se vend tout seul. Eh bien, là, c'est plus le cas maintenant, parce qu'on sent que j'ai raté maintenant, mais ceci dit, je pense que tu parles d'une organisation plus centenaire à une organisation qui a 25 ans d'existence. Alors, on compare des oranges avec des pommes en ce moment. Effectivement. Carlson, est-ce que tu penses qu'il peut être échangé? Ben oui, surtout avec ce que Melnyk a dit, puis je continue à croire que Eric Carlson ne sera plus un membre des sénateurs au terme de son contrat, tant et aussi longtemps que M. Melnyk sera là. Puis je pense qu'il a confirmé mes dires avec ce qu'il a dit. Dans certaines phrases qu'il a dit, ou si on lit entre les lignes, vendredi dernier, il est pas prêt. Il dit, on dépense 68 millions de dollars sous le plafond, puis vous me dites qu'on est une organisation cheap. Le maximum, 75. Mais je m'excuse pour performer puis pour rivaliser avec les meilleurs. Vous êtes rendu là, M. Melnyk. Vous pouvez pas vous permettre d'être une équipe à budget dans la Ligue nationale de hockey de nos jours. Ça, c'est un. Mais Eric Carlson pourrait également demeurer. On sait jamais ce qui peut arriver. Mais dans l'optique où on fait de la place, et si jamais M. Melnyk décide de signer pour le maximum, qui sera 8 ans, parce que c'est l'équipe avec qui il évolue maintenant, puis 8 ans, puis le maximum, qui va 12, 13, 14 millions, quelque chose comme ça, 20% de la masse salariale, anyway. Ben, si c'est ça, il restera probablement pas assez de temps pour l'entourer. C'est qu'on donne tout à Eric Carlson, encore une fois, dans l'optique d'un budget à même un budget, puis il reste plus grand-chose pour le reste. Alors, ce sera un choix. Si jamais Carlson décide d'y aller dans cette optique-là, on va dire, OK, m'avoir toute la grosse part du gâteau, mais juste d'avoir des années maigres. L'histoire du déménagement... Si tu veux vraiment gagner un championnat ou pas. L'histoire du déménagement, là, oui. Ceux-là, à Québec, tu sais comment que ça prend pas grand-chose pour s'énerver, là? Ben, c'est pas mal moins pire. On parlait avec Gary Bettman. J'ai parlé okay. Mot à mot, là. Il lui-même l'a dit, là. Ça se déménage pas comme ça en criant ciseaux, une franchise. On est rendu à 31 propriétaires. Là. Ça va prendre un board des gouverneurs. Ça va prendre évidemment une volonté des gouverneurs et de la Ligue de déménager. Ça passe par un vote. Ça passe par bien des étapes. On s'entend, là, le projet des Plaines-le-Breton, là, peu importe qui est le propriétaire, le gars qui a une franchise et qui a comme plan de mettre justement une aréna à cet endroit-là, je pense que déjà là, vous savez que votre club va décupler en valeur. Et puis, M. Melnyk a acheté ce club-là pour 96 millions, si je ne me trompe pas. Dernier classement Forbes est rendu à 432 millions. Je pense que c'est un bon retour sur l'argent. Là. Effectivement. Je vais faire une pause, puis je veux te parler d'un dernier point, Nicolas. Je sais que si tu vas en parler ce soir à ton émission à Gatineau, mais je veux t'en parler. Philippe Aumont, qui a lancé devant 6 équipes. Donc, vous êtes à l'écoute de notre avec Nicolas Saint-Pierre sur les ondes de DanRadioSport.com. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Nicolas, je veux te ramener sur un dernier petit point. Moi, je suis un grand amateur de baseball. C'est mon sport favori. J'ai vu ton post sur les médias sociaux. Tu vas parler avec Philippe Aumont. Philippe Aumont qui a lancé devant 6 équipes du baseball majeur. Comment ça a été? C'est sûr que je veux sans dévoiler ton punch. Est-ce qu'il est confiant d'avoir... Ça va être un contrat des ligues mineures en passant, une invitation au camp, j'imagine? En fait, oui, là, c'est ça. Ce qu'on vient de conclure ce matin, là, c'est que les champions d'Ottawa de la Ligue Can-Am ont vendu son contrat à Philippe Aumont, aux Tigers de Détroit. Donc, c'est un contrat des ligues mineures. Il va se joindre à l'équipe de Toledo en 3A. Puis, par la suite, ben là, j'en sais pas plus parce que moi, j'ai échangé en texte avec lui ce matin. Au moment où je lui parlais, les champions annonçaient. Alors, il me disait que c'était pas confirmé. Il m'a rappelé. C'est maintenant fait. Puis là, ben, c'est à savoir comment va se comporter son bras puis comment se comportera justement ce pas de plus. Ce qui lui permettra peut-être d'atteindre son but de retourner dans les majeures, mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est une très, très belle histoire, celle de Philippe Aumont. Puis, sans parler pour lui, je pense que le fait d'avoir entrepris cette tentative de retour avec une tête claire, puis avoir fait le ménage justement de les deux oreilles, puis d'entreprendre ce retour-là possible sans pression, il n'y avait pas d'attente, ça lui a permis justement d'être dans le bon « minding ». Puis le résultat, maintenant, on le voit maintenant. Alors, c'est rien de garanti pour lui. Mais chose certaine, c'est que Philippe Aumont, qui a été reconnu comme étant un très bon bras, c'est encore une chose de constante, puis la confiance. Je je pense que c'est un pas de plus, puis ça ne m'étonnerait pas de revoir là, porter l'uniforme d'une équipe des majeurs bientôt. Philippe, pas Philippe, mais Nicolas, est-ce que Aumont, dans le fond, là, c'est, il est un petit peu sur un burn-out hein, quand il a quitté le baseball? C'est un peu ça, hein? Oui. Je sais pas si on peut parler du mot burn-out, puis encore une fois, je veux pas m'exprimer pour lui, mais on sentait qu'il y avait une fatigue mentale à ce niveau-là, puis pour y avoir parlé la maintes reprises, c'est ce qu'il me disait, il dit, tu sais, Nick, c'est constant, la pratique, parce que au-delà du lanceur qu'on voit au monticule, il faut quand même garder en tête la préparation, puis les mois d'entraînement, puis la réhabilitation, quand ça fonctionne pas. C'est sûr qu'à un moment donné, tu te mets en question, puis il y a une fatigue mentale qui s'installe, puis c'est exactement ça dans le cas de Philippe Aumont. Avait pas perdu le goût, mais avait peut-être perdu à un moment donné la passion. Et la confiance. Je pense qu'il l'a retrouvé. Puis il l'a retrouvé assez rapidement avec son passage qui a été conclu avec les champions. Et surtout, je pense que ce qui a pas aidé à la carrière de Philippe, c'est qu'on l'a trimballé de releveur à partant, puis de partant à releveur. C'est ça qui a pas trimballé. Ben, je vais te souhaiter des joyeuses fêtes, Nicolas. On va peut-être se reparler après les fêtes pour voir si la saga des scènes se poursuit. Deux victoires consécutives, donc c'est parti. Ben, joyeux Noël à tous les auditeurs et auditrices, évidemment, c'est toujours un plaisir, puis certainement, là, ben, célébrer, mais célébrer dans la prudence, donc mélangez pas l'alcool et le volant, puis au plaisir de te parler, Danny. Nicolas Saint-Pierre, le descripteur des matchs des sénateurs que vous pouvez entendre sur Unique FM. Mais...